إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أحبتي في الله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره أن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك كما قرن شكرهما بشكره فقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفي صحيح الإمام البخاري عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل فقال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين إلى آخر الحديث فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام وعلى هذا إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر وجب طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله وكذلك إذا كان من قبيل المندوب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والدي عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامه كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه قال الإمام الذهبي للصحابي الجليل حارثة ابن نعمان قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه شهد بدرا والمشاهد ولا نعلم له رواية وكان برا بأمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة قلت من هذا قالوا حارثة بن نعمان كذاكم البر كذاكم البر يعني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع هذه القراءة قال من هذا قالوا حارثة ابن نعمان قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذاكم البر كذاكم البر فقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وكان برا بأمه رضي الله تعالى عنه وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأمه هي أم أيمن واسمها بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه حبا شديدا. قال محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله تعالى، بلغت النخلة على عهد قال بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 1000 درهم، فقال فعمد أسامة إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها فأطعمها أمه، فقالوا له ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ فقال إن أمي سألتني ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. وروي عن زيد عن زين العابدين كان كثير البر بأمه، حتى قيل له إنك أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صفحة، فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui qui est là, son désir, ce qu'il convoite, ce qu'il espère, c'est son entrée au paradis, le jour de la rétribution dans l'au-delà, et de vivre une vie paisible et de connaître la sécurité, le succès et le triomphe auprès d'Allah Azza wa Jal, et d'avoir l'immense récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses serviteurs. Et c'est pour cela que vous venez les jours du vendredi et les autres jours de la semaine pour adorer votre créateur subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens qui avaient le mieux compris cela. Pour cela, ils interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des œuvres qui conduisent et qui mènent vers la miséricorde d'Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si on regarde dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer. Et d'ailleurs, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour lui vouer une adoration pure et exclusive. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a lié, a cité d'une manière conjointe l'ordre et le commandement de l'adorer à une chose qui est immense. Et ça revient dans différents versets. Allah nous dit وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، et adorez Allah sans lui donner d'associé. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، et soyez bienveillants envers vos parents. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ، et Allah a décrété que vous n'allez adorer que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، et d'être bon envers les parents. Et dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux hommes de dire à leurs parents ou de répondre à leurs parents avec cette particule, cette parole ouf. Allah l'interdit de dire cela aux parents. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer, et dans différents versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à être bienfaisants envers les parents. C'est pour cela que vous allez comprendre que les compagnons avaient compris que le but, c'est d'accéder au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut gagner du temps. Et eux, ils posaient les bonnes questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il est rapporté dans un récit, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, qu'un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question immense qui va servir au reste de toute la nation et de la communauté, ila qiyam sa'a, jusqu'à l'arrivée de l'heure. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez cette question qui est immense, quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? C'est ça qui nous incombe. C'est ça qui est important pour nous de savoir quelles sont les actions et les œuvres les plus aimées auprès de notre Créateur. Alors regardez l'immense réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit la prière en ce temps. Et on a besoin de ce rappel surtout en ces jours d'hiver. La prière en ce temps. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme réitéra, il lui dit « Et quoi encore au messager d'Allah ?» Et là, le prophète de dire « Être bienfaisant envers les parents. » La bienveillance, la bonté envers les parents. Jusqu'à la fin du récit. Regardez, la prière, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'adoration, l'une des plus grandes adorations qu'Allah jalla wa ala a légiféré. Après son droit, le droit des parents. Du père et de la mère. Et c'est pour cela qu'un grand imam, l'imam al-Qurtubi, que j'ai cité, mais je n'ai pas cité cette parole que je vais vous dire là. Une parole que j'ai omis de citer. Il dit, si vous observez dans le Coran, ou bien dans sa parole, si on observe le Coran, on verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rappelé aux parents la bienveillance et la bienfaisance envers les enfants. Mais on voit dans différents versets, c'est le rappel des enfants, c'est-à-dire que ces enfants-là doivent être bienveillants envers le parent. Pourquoi ? L'imam al-Qurtubi et les grands savants de la nation disent « Parce que l'amour des parents est inné, c'est quelque chose qui est en eux. Et la mère va s'occuper de son nourrisson. Et les parents, toute leur vie, vont se faire du souci pour leurs enfants. C'est pour ça que les enfants... ils trouveront point de personne plus attachée, plus digne de leur éducation, qui veulent du bien pour eux, si ce n'est leurs parents. Donc souvent, les parents, c'est en eux, c'est inné en eux. Ils n'ont pas besoin de ce rappel-là. Par contre, les enfants vont grandir. Ils vont vaquer à leurs occupations. Ils vont dépasser l'âge de l'adolescence, on peut dire ainsi. Ensuite, ils vont commencer à travailler. Ils vont faire une famille. Et petit à petit, ils peuvent oublier leurs parents, au moment où les parents vont vieillir, ils vont devenir faibles et vont arriver à un stade d'être comme des enfants. Ils auront besoin donc de leurs enfants. Et à ce moment-là, on trouve beaucoup de parents qui sont délaissés. Leurs enfants les ont oubliés. Les enfants ont délaissé leurs parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit « Rahima anfo » dans le sens, c'est une expression qui dit que le nez d'un tel soit sur la terre. Et les savants expliquaient cela dans le sens, c'est l'humiliation. Qu'il soit avili, humilié, perdant. Celui, et le prophète l'a répété à trois reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque les compagnons ont dit, messager d'Allah, mais qui est-ce qui soit humilié ainsi? Et le prophète dit, celui qui a atteint, qui était vivant alors que ses parents étaient vivants, il n'est pas rentré au paradis. Il avait ses parents qui étaient vivants et il n'est pas rentré au paradis. Un jour, un homme avait commis un péché immonde. Un péché qu'on pourrait dire, certains diraient impardonnable. Il s'est rendu chez un compagnon, désespéré de ce péché, de ce qu'il avait fait. Il va voir le compagnon et il lui raconte le péché qu'il a fait. Il est désespéré. Pour lui, c'est impardonnable ce qu'il a commis. Et là, le compagnon de lui dire... à l'étonnement de ceux qui étaient autour, de lui dire, est-ce que ta mère est vivante? Et l'homme lui dit oui. Alors, les compagnons qui étaient autour, lorsqu'ils ont demandé à Ibn Abbas, lorsqu'il a demandé est-ce que sa mère était vivante, alors ils l'ont interrogé, c'était pour qu'il rejoigne sa mère, il reste avec sa mère, et qu'il soit bon avec sa mère. Pourquoi? Parce que c'est la cause pour entrer au paradis. Allah Azzawajal nous ordonne. C'est pour cela que l'inverse, la malveillance et l'ingratitude envers les parents, ça fait partie des grands péchés capitaux. Le croyant ne peut pas se permettre cela, d'être ingrat envers ses parents. Si aujourd'hui, on est présent, vous êtes présent, vous êtes en bonne santé, c'est qu'il y a des gens qui vous ont protégé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre mère, votre père a tout fait pour que vous atteigniez un âge et vous ne soyez pas handicapé. Parce que lorsqu'un enfant est bébé ou petit, toutes sortes de dangers peuvent l'atteindre. Qui est-ce qui t'a protégé pour avoir toujours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala tes deux yeux, tes membres, tu marches, tu manges, tu bois, tu es en bonne santé? Qui est-ce par la grâce d'Allah qui a fait tous ces efforts pour ta préservation? Alors si tu n'es pas reconnaissant, subhanallah, envers tes progéniteurs, ton père et ta mère, il faut être conscient de cela. Pour cela, un jour, il est rapporté, pour terminer, le célèbre compagnon Abdallah ibn Omar, il était en voyage vers la Mecque. Il était sur le chemin de la Mecque. Alors, il rencontra un bédouin. Alors, Abdallah ibn Omar, qui était monté sur son âne, il a pris le bédouin, il l'a mis avec lui sur son âne. Il a fait continuer le chemin avec lui. Il n'a pas voulu qu'il marche. Ensuite, il lui a donné sa imama, son turban, un beau turban qu'il avait. Alors, un compagnon qui était avec lui, de chemin, lui dit à Abdallah ibn Omar, c'est un bédouin. Et les bédouins se contentent de peu. Tu aurais pu donner moindre. Ils se contentent de peu, les bédouins. Et là, Abdallah ibn Omar lui a dit, c'était un ami de mon père. Et j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, inna abar al-birr silatul walad ahla wuddi abi. La meilleure bienfaisance, l'une des meilleures bontés qu'on peut faire aux parents, c'est d'être bon avec ceux qui aimaient, ou ceux qui aimaient nos parents, c'est-à-dire les amis de nos parents. Jusqu'à ce qu'il ait rapporté Usama ibn Zayd, ce célèbre compagnon que le prophète Sansam aimait énormément. Il avait un palmier. Il est rapporté que ce jour-là, ce palmier avait atteint un prix immense, 1000 dirhams. Ce palmier avait atteint une valeur. Alors, un jour, Usama ibn Zayd est venu, il a commencé à percer le palmier. Lorsqu'il a percé le palmier, donc il a tiré la palmite. La palmite, c'est une substance blanche qui est un peu comme du lait écaillé que sa mère aimait. Alors il a percé le palmier et il a rapporté cela à sa mère. Alors les gens qui étaient là, ils ont dit à Usama, ton palmier, il a éteint une valeur, une fortune. Et toi, tu l'as percé. Tu as percé le palmier. Il dit, ma mère en voulait. Et tout ce que ma mère convoite et désire, je ne peux lui refuser. Et si vous voulez, j'avais plusieurs pages. Parce qu'ensuite, on allait descendre. Il y a des histoires, Wallah, ajib al-ujab. Istaghrabt, wallahi l'azim. Étonnamment, j'ai lu des histoires que je voulais vous faire partager, mais le temps est court, il fait très froid pour nos frères qui sont dehors. Des compagnons ou de l'époque des successeurs ou l'époque des imams, ils prenaient leur mère des voyages entiers, sur des kilomètres et des kilomètres sur leur dos. Ils les posaient, ils s'occupaient d'elles jusqu'à la fin. Ils ne laissaient pas leur mère marcher. Jusqu'à, il est rapporté qu'un compagnon, ils disent parmi les compagnons les plus connus, vous connaissez Abu Huraira qui était connu pour la bienfaisance envers sa mère, mais les plus connus pour la bienfaisance envers leur mère, certains disent Uthman ibn Affan et un compagnon qui s'appelait Harith ibn Norman. Harith ibn Norman, Aïcha nous rapporte que le prophète, un jour il était au paradis et il a entendu une voix réciter. Certains disent le Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interrogé, qui est-ce? Alors ils lui ont dit, c'est Harith ibn Norman, ce compagnon qui était un Ansar, parmi les Ansar, un Ansari. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il a dit, Kadhak bir al-walidain. Cela c'est la bienfaisance envers les parents. Cela c'est la bienfaisance envers les parents. Regardez, ce compagnon était au paradis et il récitait le Coran. Certains savants ont même expliqué cela en disant que le prophète a expliqué que cette récitation du Coran, c'était la bienfaisance envers les parents. Il était tellement bon envers sa mère. Il est connu. C'est l'un des grands compagnons qui était immensément bon et bienfaisant envers sa mère. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu sa récitation au paradis. Et le prophète a dit que la cause, c'est sa bienfaisance envers sa mère. Certains savants ont dit, si un enfant veut faire du bien à ses parents, alors ils ont déduit de ce hadith, mémorisez, apprenez le Coran. Vous ne pouvez pas faire mieux, parmi les bonnes choses, d'apprendre le Coran parce que la récompense revient aux parents aussi, et ils auront un tège, une couronne, le jour de la rétribution. Si vous voulez du bien aussi à vos parents, apprenez. Dînullah Azza wa Jal. Un jour, un homme, une femme qui était malade, elle reconnaissait pas que c'était son enfant, c'est une histoire que les savants racontent. Alors, excusez-moi l'expression, elle crachait sur l'enfant à chaque fois. Elle lui disait, pars, va-t'en, tu n'es pas mon fils. Mais lui, toujours, il faisait du bien à cette femme, il la lâchait pas. Un jour, il était chez le médecin, et le médecin, il a vu cela, comment la mère traitait l'enfant. Elle lui crachait dessus, elle le repoussait, elle l'injuriait, elle l'insultait, en lui disant, va-t'en, tu n'es pas mon fils. Alors le médecin lui a dit, mais comment tu supportes cela? C'est ta mère? Il dit oui. Il dit, ma mère, si elle me demande d'aller même à la Mecque, la ramener pour faire l'Omra, je la ramènerai. Mais il dit, elle ne reconnaît pas que c'est ta mère, elle. Elle te repousse. Et l'enfant lui dit, si elle ne sait pas que c'est ma mère, Allah sait que c'est ma mère. Nas'Allah Jalla wa Ala, an yaghfir lana dhunubana, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, ya muqallib al-qulub, ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد شبابنا واهد بناتنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك